envers vous, président Bandakani. On est en plein dans les inquiétudes de la CEDEAO, on va le dire comme ça globalement, dans ce qu'on appelle la future fédération entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Cette fois-ci, Nestor Podassé est en train de payer le lourd tribut pour la libération de son pays. Est-ce que le temps est venu pour le capitaine Ibrahim Traoré d'affirmer véritablement le panafricanisme qui a pris corps du côté du Burkina Faso en intervenant dans cette affaire, dans l'affaire Nestor Podassé? On a parlé de l'initiative panafricaniste visant à unir les trois pays en question. Lorsque Podassé est arrêté, lorsque Podassé est kidnappé, on ne parle plus de ça. Moi, je ne parle plus de ça. Voilà. Je dis, moi, je ne parle plus de ce sujet. Excusez-moi, Junior Oui. Wafo. Moi, je ne parle pas de ce sujet. Ça montre très bien que les menaces qui pèsent sur ce processus sont des menaces sérieuses. Effectivement. Si un énergumène dont le nom ne mérite pas d'être prononcé, ce qu'on appelle l'ambassadeur de France, Luc Allard, peut manipuler ses petits réseaux, les réseaux français, pour arrêter panafricaniste, un panafricaniste, on arrête, on l'embastille, on le brutalise. On le brutalise, hein, on l'embastille comme ça, alors que le capitaine Traoré s'affirme sankariste. Nous avons des problèmes. Ça veut dire que ces réseaux-là ont les capacités de nuisance. On n'est pas naïf, on le savait, mais il faut que le capitaine Traoré prenne sa responsabilité. Ça doit frapper du poing sur la table. Fortement. C'est qu'elle a fait ça. Vous savez, la diplomatie française a des problèmes en Afrique. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs français en Afrique. Alors, Macron même a dit qu'il ne veut plus les diplomates de carrière. Oui. C'est parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Oui, effectivement. Il dit qu'il ne veut plus les diplomates de carrière. Il peut ramasser un général, il en fait diplomate. Comme au Cameroun. Comme au Cameroun. Et même un mercenaire. Mais n'importe qui, mais quand vous regardez celui qui est ambassadeur de France au Niger, vous comprenez? C'est l'image même de la France, ça. Je pense qu'un pays qui revendique une certaine expérience diplomatique comme la France, parce qu'il revendique oui, une vieille expérience diplomatique en France, et ça devrait se traduire par la qualité diplomate qu'elle choisit et mission dans des pays. Vous ramassez de la racaille, des sauvageons, des gens, on se demande si un jour ils ont la moindre éducation. Vous voulez bombarder l'ambassadeur, celui qui est au Niger, mais il est tout le temps drogué. Eh bien, justement, président Bandakani, pour également ajouter de l'eau à votre moulin, Sylvain Ité, il a fait sa dernière sortie, la plus polémique de toutes, sur son compte Twitter. Il a estimé que ceux qui souhaitent que le Niger s'allie avec la Russie, en tout cas les Nigériens qui veulent le partenariat avec la Fédération de Russie, doivent également arrêter de consommer l'eau du Niger parce qu'il estime que l'eau appartient à l'Union européenne ou bien les projets d'eau sont financés par l'Union européenne. C'est ça la dernière sortie de Sylvain Ité. Je vous dis que ce monsieur, c'est un malade mental. C'est vrai le mot. C'est un malade mental. Je vous dis, il n'a reçu aucune éducation. Mais il le démontre tous les jours. Donc, ce n'est pas le seul cas. Mais au Cameroun, les ambassadeurs français ont des comportements. Mais c'est-à-dire que qui fait réfléchir? Bon, ceux qui veulent encore réfléchir, puisque que la France entend d'abord par diplomatie, dans ses rapports avec l'Afrique, et le projet que la France nourrit pour les Africains. Mais ce monsieur qui est au Burkina Faso, mais c'est un provocateur professionnel. Alors, et pourquoi? Parce qu'il estime qu'au Burkina Faso, il n'y a que des chèvres. Il n'y a pas d'êtres humains, des là-bas. Les diplomates français en Afrique, je vous assure, se considèrent comme étant en colonie. Oui, c'est tout. Oui, c'est ça. Ils sont encore au 19e siècle. Oui. Ils sont en plein. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont des téléphones portables, ils ont des ordinateurs. Mais je vous dis, leur mentalité, c'est le 19e siècle. Non, c'est clair. Et ça, ça vous montre le niveau. Je sais de le dire ici. Le niveau du débat qu'il peut avoir entre la diplomatie française et la nouvelle génération africaine. Je vous dis tous les jours ici que la France n'est pas en capacité de discuter avec les Africains. Je ne blague pas. Elle ne peut pas faire ça. Pour parler avec un Africain, il faut dire que la Chine veut. Oui. C'est tout. C'est d'en être un. Oui. On va sortir rapidement, Président. Donc, vous voyez très bien que moi, je ne parle pas de ce sujet. Je boycotte le sujet-là. Parce que moi, je ne parle pas de ça tant que pour s'y arrêter. C'est tout. Et nous exigeons rapidement sa libération. Bien sûr. Sans procès. Nous, je ne dis que pas le procès. Oui. Nous exigeons rapidement la libération de M. Podassé. Alors, moi, je le dis, ça commence comme ça, mais tu sais ça. Oui. Parce que moi, jusqu'à présent, moi, je n'ai aucun problème avec l'autorité de Burkina Faso. Oui. Mais je vous dis, c'est Podassé a été pour ces raisons-ci. Non. Mais comment? Il me cherche des histoires. Non, là, moi, je vous dis. Hein, en face. Oui. Je le dis. Oui. Et moi, j'ai dit, les autorités de Burkina Faso n'ont pas intérêt à avoir des histoires avec nous. Oui. Oui. Oui. Donc, c'est clair, hein, parce que vous n'êtes pas l'africaniste, vous choisissez la France. C'est ou Podassé. Podassé, c'est un panafricaniste. Il n'y a pas de choix à faire. Effectivement. Il n'y a pas de choix à faire. Donc les choses sont claires. nous, vous connaissez tout le respect que j'ai avant le critère Traoré. Il a notre soutien total à 100%. Ouais. Mais si on ne peut pas l'appeler à l'ambassadeur de France, qu'on ne peut pas dire, stopper la demande de comme ça, c'est pas la fédération que vous allez bâtir. Vous allez bâtir. C'est l'ennemi de la fédération, c'est la France. C'est tout. Vous allez bâtir. Donc, nous exigeons immédiatement la libération de M. Podassé. Oui. Sinon, nous allons considérer que c'est nous qu'on a attaqué. Oui. Nous allons considérer que c'est nous qu'on a arrêté. Oui. Nous allons nous défendre. Et moi, je sais me défendre. C'est tout. Vous voyez même comment la femme m'amène à eux. Je me tiens à la limite. C'était peut-être pour sortir, président. Non, je peux venir mettre en colère. Il faut qu'on libère cet enfant. Il a volé. Il n'a pas tué. Il faut arrêter cette spirale de criminaliser l'Afghanistan. Surtout, depuis l'ambassadeur français, oui. En manque d'éducation primaire, pour la plupart, sont incapables de mettre à niveau pour affronter un mouvement historique. Oui. Les gens sont pratiquants, ils veulent dire le continent. Oui. Vous les criminalisez, vous les diabolisez. Oui. Macron a donné l'ordre il y a quelques semaines, quelques mois, de nous tuer même à la limite. Oui. Il a dit en public, oui. Il a dit tuer, mais c'est ce que ça veut dire. Qui doivent être vieux. C'est-à-dire que vous avez fait un mouvement, vous dites que vous êtes le pays des lumières, le droit de l'homme, et vous ne savez pas débattre. Vous êtes le pays de Voltaire, de Diderot, de Dumas, de Victor Hugo, de Saint-Posa. Madame l'histoire, vous nous cassez la tête avec des grands noms, ma chère consort. En supposant que, ok, ces grands noms ont émergé à la veille d'une culture de la discussion et du débat. Mais des enfants d'Afrique s'élèvent, n'ont jamais pris un fusil pour tuer un Français. Vous avez rappelé ça ici. Oui. Jamais nous n'avons pris un fusil pour tirer sur un Français. Jamais nous n'avons appelé sur nos plateaux à attaquer physiquement le moindre Français en Afrique. Oui. C'est parce qu'on a peur de la France. C'est parce qu'on ne sait pas le faire. Effectivement. Mais nous disons que on va les taper avec des arguments. Oui. Qu'on va les déshabiller avec des arguments. Et voilà un pays qui se revendique de telle sommité, entre guillemets. Mais qui oppose à un enfant qui parle seulement à la télévision, qui dénonce, n'est-ce pas, les réalistes français dans son pays, comment, qui distille une autre vision de son pays, et voilà, qu'est-ce que la France fait? Incapable de dialoguer, d'apporter les arguments convaincants face au Burkinabé, l'embastille, et organise sa probable disparition. Ça commence comme ça. Oui, oui. Ça commence comme ça. Et en chemin là, ce garçon peut disparaître. Bien oui, sûr. Bien comme il peut être empoisonné. Comme Norbert Zongo. Je dis, peut être empoisonné. Tout pour lui arriver là. Nous allons tenir pour responsable, non seulement l'ambassade de France et la France, de tout ce qui va arriver à M. Podassé. Mais les autorités. Bien sûr, nous appelons le capitaine Traoré de s'assurer que notre petit frère est en sécurité. Oui. Et qu'il soit libéré. C'est comme si on criminalisait Sankara. Bien sûr. Ça se revendique de Sankara. Sankara, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Mais c'est dénoncer la France, c'est midi soir. C'est tout. Parce que, alors, si vous revendiquez du sankarisme, mais protégez Podassé. Protégez-le. Il est en train de parler d'un pays. La moitié du territoire est occupé par des terroristes soutenus par la France. Un pays dont une bonne partie se nourrit avec des feuilles d'arbres. Oui. À l'état brut. La France a pourvu le pays. La France est complice. Les comparables ont pourvu le pays. Un pays qui a 400 sacrés avait relevé. Comment? À tout point de vue. Au pouvoir actuellement, le bilan. Depuis tous les présidents qui ont remplacé Sakara. Le bilan n'atteint même pas. C'est-à-dire que les 1/5 ce qu'il a fait. Oui. Vous voyez ça? Mais alors, nous demandons qu'on libère. Nous ne voulons pas avoir de problème avec les autorités du Burkina Faso. C'est pas, on a un profond respect pour elles, beaucoup de respect pour le capitaine Traoré. On n'en a pas assez que Podassé soit condamné. S'il est condamné, c'est une déclaration de guerre. Bien sûr. C'est tout. Merci à vous, président Manakani, on va en sortir. Afrique Média, le monde, c'est nous.